toute la journée, tu le répètes à tout le monde, qu'elle est trop de la balle, cette émission qui déchire sa race. Et si certains te regardent bizarrement, laisse-les. Ceux qui sont trop vieux. 6h, 10h. Sur Europe 2. Y'a pas d'âge pour l'écouter, mais il vaut mieux être cool dans ta douté. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis désolé de vous déranger, j'appelle pour la petite annonce. Ah, vous êtes intéressé kimono? Oui, je suis intéressé pour le kimono, oui. Et vous habitez où? Ah bah j'habite en région parisienne, c'est un ami qui m'a donné vos coordonnées, qui m'a dit, parce que je cherche un kimono japonais, et qui m'a donné vos coordonnées. Vous êtes japonaise? Oui, je suis japonaise. Ah, j'ai reconnu l'accent, moi je suis belge. Ah oui, d'accord. Enchanté, bonjour. Enchanté. Vous m'avez reconnu peut-être, non? Pardon? Je m'appelle Jean-Claude Van Damme, non, ça vous dit rien du tout? Excusez-moi, j'ai pas... Jean-Claude Van Damme, ça vous dit rien? Non, jamais. Je suis excusez-moi. C'est pas grave, je suis un grand... movie star. Je suis movie star et je fais du karaté. Ah bon? Vous voyez? Voilà. Désolé, mais parce que... C'est-à-dire que je lève la jambe comme ça, vous voyez? Je fais les films de action movie. Vous pouvez donner autonome? Encore une fois? Van Damme, Jean-Claude Van Damme. Ah, je connais. Eh ben, c'est moi. Je suis de passage en France, c'est moi. Ah bon? Ah oui, je viens pour mon nouveau film. Vous n'êtes pas de tout fier? Pardon? Moi, je trouve. Un téléphone, vous n'êtes pas de tout fier? Non, je ne suis pas fier. Non, je suis humble. Je suis resté humble. Humble, je suis resté humble. Oui, oui. Je suis belge non plus, il ne faut pas déconner. Hein. Je suis pas... Ah, vous êtes d'origine... Je suis d'origine belge, oui. Belgique? Ah voilà. Bon? Donc, mais je viens en France pour la sortie de mon nouveau film que j'espère que tu iras voir, qui est un bon film de action movie. Oui. Et donc j'ai vu la petite annonce pour le kimono japonais parce que dès que je peux, je me mets à walper dans le kimono japonais. Vous êtes collectionné? Oui. Ah bon. Et comment on peut montrer le kimono? Oui. Ah bah il faudrait que je passe. Parce que nous on est loin, hein. Non mais je vais passer parce que je vais faire la tournée des comment on dit en France les grandes salles où il y a les cinémas, le movie. Oui. Vous venez à Valence les MJC, je vais faire la tournée des MJC. MJC, oui. Et je vais venir je fais Créteil, je vais faire Bouguigny sous Montbavin, je fais Wattigny dans le nord et je vais venir du côté de chez vous dans le sud. Ah, à côté de chez nous. Voilà. Et c'est-à-dire au côté de chez nous. Vous êtes où exactement dans le sud? Faut voir si je suis. Et vous connaissez Valence, oui. Lyon? Vous connaissez Lyon? Oui, absolument, je connais bien Lyon, oui. Et 200 km, à peu près 200 km de Lyon. Excusez-moi, je tends ma jambe. Voilà ce que j'étais. Et Balance. Bah écoutez, j'essaierai de passer voir le kimono. Vous m'avez reconnu maintenant, vous voyez un petit peu comment je suis? Oui. Vous savez, c'est moi qui mets deux sièges et je fais le grand écart entre les deux. Ah bon? J'ai pas du tout imaginé comme ça. Vous imaginez pas que j'étais comme ça? Non, mais vous me téléphonez. Je suis pas, oui, mais je suis parce comme que ça. On a mis vraiment petite annonce dans le journal régional. J'ai petits yeux, donc j'ai bien vu. Donc, merci, hein. Bah écoutez, c'est normal, je vous appelle, je suis resté très humble. Mais je suis pas venu en France tout seul, je suis venu avec mon cheval et... Ah? Vous connaissez, non? Je suis bonne. C'est dis bonjour. Ça va. Ah, c'est bon, ça va. C'est boulé? C'est le cheval, oui. C'est boulé, mon? C'est vraiment le cheval, oui. Ah, c'est chouette. Redis bonjour à la dame. Ah, ça, c'est le chat. Ah, ça. Oui, vous aimez beaucoup les animaux? Oui, oui, j'aime beaucoup, oui. Écoutez, dis bonjour. Ouais. Voilà. C'est boulé, mon? Oui, c'est vraiment, oui. Et je suis venu avec mon moustique aussi apprivoisé. Vous entendez? Oui, j'aime ça. Écoutez. J'aime ça. Voilà, j'arrête les moustiques avec les pieds. Qu'est-ce que c'est? C'est le moustique. Rigole-toi. Vous rigolez tout, hein? Voilà. Ah, je n'ai jamais les yeux. Eh ben, venez voir mon nouveau film, s'appelle Le Réplicant, c'est très bon. Oui, d'accord. Très bon, c'est très très bon. D'accord, je fais bien attention. Voilà, je compte sur vous direz, j'ai vu Jean-Claude Van Damme. Vous le direz à votre mari? Oui, et... Qu'est-ce que vous allez dire à votre mari, j'ai vu? Jean-Claude Van Damme, monsieur, c'est... Jean-Claude Van Damme. Bravo, je vous embrasse en tout cas, je vous aime, je t'aime. Attendez, monsieur. Oui? Et parce que bientôt, on va partir au Japon. Vous voulez m'emmener? Très bon, le Japon, oui. Très bon. Hein. Ah bon, si vous voulez, vous êtes allé? C'est très bon, jamais, mais j'aime beaucoup les restaurants japonais. Ah, vous devez y aller, vous connaissez. Très bon, vous allez, êtes connu là-bas. Les sushis, les maki, les takemaki, oui, oui. Les sushi ubi, oui. Les California maki, tout ça très bon. Oui. Je vous embrasse en tout cas. Oui, et à bientôt. À bientôt, mon cheval, vous dit au revoir. Merci. Ta gueule, toi. Merci. À bientôt, au revoir, madame. Allez, au revoir. Je vous embrasse, très au bon. Revoir. Au revoir, madame. Hein?